Tu me crois pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est pour. Tu veux connaître la rue, je te la raconte à l'aéroport. Tous dans la même cour, les mecs méchants, les mecs niards, les mecs armés, les vrais GI, les inculpés du FBI, yeah. La vingtaine est passée, tu parles de ta vie en temps raté. Tu creuses, tu rêvasses encore du pays des enfants gâtés. Toi t'es foutu, y'a plus grand chose, je me doute à faire. Sors du concept, réveille un peu ta vie, secoue ta mère. Les poucas qui accusent les russes, les vieilles histoires des sus, les bus, les raclis qui abusent, les russes, les permus qui s'amusent. Fais fonctionnaire, une maison, un bon préhensible. Mais toi t'es bousillé dans une crise incompréhensible. Les uns les autres, puis tous tes frères partent la TMU. Ça fait trop mal, on soigne pas d'un cancer avec la CMU. J'en fais comme si hier soir t'avais pas morflé. On tombe KO frère, on s'endort pas dans les bras de morflé. La seule loi dans la rue c'est qu'il y en a pas. Voyez-vous que de la survie nique les mafias. Tout le monde a faim, tu croyais où? Tu diras, je manque de rien, j'ai tout moi dans mon trou. Si personne t'a demandé de m'aider frère, laisse-moi dans mon trou. Plus gros salaire, plus gros problème et risque de chute. Jusqu'à fermer les barres des tchis comme le dernier des fils de pute. Non plus aucun de tes frères sonne. Ni pupille de la nation, t'es pire qu'un fils de pute. Car dans ma rue t'es l'enfant de personne. Tu t'as fait s'enculer, sans toi les enculés. Bref y'a les inconscients, les fous, les victimes qui se laissent enculer. Y'a plus de limite, on mise plus grand chose pour notre âme. Plus de thermostat et pour nos grammes, ça tourne au gramme, ça tourne au gramme. Jour où t'as plus de débat, va-t'en. J'ai mal partout, seul pas ma dent. Le beat est loin, le train m'attend. Comment tu me parles de ramadan? La fonte est pecto, fais pas le tour. T'es chez ta mère, ta vie tient dans un paquet de malbos. Inconscient de ma valeur, jusqu'à ce que le diable m'enterre. Un trésor négligé comme une pépite d'or chez un diamantaire. Je suis tout ce que les frères demandent. On t'en voudra pas si tu prends la fuite, ma gueule. Tu devrais te la foutre ensuite, Gerland. La porte faut être jeune pour l'ouvrir. Bien sûr qu'on fait des trucs jeunes pour se nourrir. Personne n'est trop jeune pour mourir. Personne n'est à la vie et tous les vices te parlent. Chez nous, je te jure que les intouchables ça n'existe pas. Nous immortels dans les Highlands, le sang sèche dans les calandres. Mon frère vole ton frère à l'air, il bouffe du porc en Thaïlande. Crois pas que l'agisse en quelque chose, mon frère, on doute comme hier. Ni flingue, ni couteau, ni hier, une boîte sous la boutonnière. C'est les rappeurs de la terre, c'est pas les bouteilles graines. Écoute ce son, tape ton conjoint et ta bouteille graine. Alors oublie la date et l'heure, réveille le soir, déconne. J'bats devant ta mère, si ça la choque, y'en a qu'à boire cette conne. La passion pour les lobes, l'amour d'un billet mauve. Et les riches, tu le temps, et le temps, tu les pauvres. Eh, j'viens du 9-3 pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est pour. Tu veux connaître la rue, j'te la raconte à les retours. We'll be right back.